Pêcheur d'Islande, de Pierre Loti, dans une adaptation de Hervé Prudhon. Avec, dans les rôles principaux, Jean-Pierre Moreux, Marie-Christine Le Thor, Florence Lecor, Nicolas Struve. Neuvième épisode. Ils furent mariés femmes pendant 6 jours. En ce moment de départ, les choses d'Islande occupaient tout le monde. Des femmes de peine empilaient le sel pour la saumure dans les soutes des navires. Les hommes disposaient les gréments et, chez Yann, la mère et les sœurs travaillaient du matin au soir à préparer les équipements. Le temps était sombre et la mère, qui sentait l'équinoxe venir, était remuante et troublée. Mais est-ce que les autres années il partira ? Oh non, j'espère savoir le retenir. Il faudra que je lui en parle. À son retour. Puisqu'il m'aime, il m'écoutera. Ah oui, je l'aime. Elle n'est pas comme les autres femmes. Les mêmes baisers, les mêmes étreintes avec elle sont autre chose. Il est si doux. Personne ne croirait cela. On dirait un petit enfant. Le grand Yann qui faisait à Paimpol son dédaigneux avec les filles. C'était des filles de plaisir, dont on jette au matin les baisers de la nuit. Des servantes. Gaude est ma reine et mon épouse. Nous sommes une même chair et pour la vie. Oh, les autres années, à tout prix, l'empêcher de partir. Mais comment faire alors pour vivre? Avec quel argent? Et puis, il aime tant son métier de mère. C'est trop souffrir être femme d'Islandais. Ils eurent une journée de printemps, une seule. C'était la veille de l'appareillage. Ils se promenèrent bras dessus dans les chemins, comme font les amoureux, se disant 1000 choses, seuls au monde. C'est Gaude, avec le grand Yann de Porcévennes. Ah, des mariés d'hier. Le vent ne soufflait de nulle part. La mer s'était faite très douce. Le soleil brillait d'un grand éclat blanc et le pays breton semblait s'égayer. L'air avait pris une tiédeur délicieuse qui sentait l'été. Et on eût dit qu'il s'était immobilisé à jamais, qu'il ne pouvait plus y avoir de jours sombres ni de tempêtes. Les caps, les baies, les rochers, ils paraissaient se reposer eux aussi dans des tranquillités ne devant pas finir. Combien de temps m'aimeras-tu, Yann ? Mais Gaude, toujours. Serre-moi fort dans tes bras. Gaude sentait son amour fugitif comme un grand oiseau de mer. Cette fois, il était trop tard. Elle ne pouvait rien pour l'empêcher de partir. De ces chemins de falaise où il se promenait, on dominait tout ce pays marin. Les maisons des pêcheurs étaient posées çà et là sur les rochers, avec leurs vieux murs de granit, leurs toits de chaume bossu. Et dans l'extrême éloignement, la mer décrivait son cercle immense et éternel, qui avait l'air de tout envelopper. Un jour, je t'emmènerai à Paris. Il s'y passe des choses étonnantes. Paris. Je me demande à quoi ça peut bien ressembler. Une ville si loin de la côte. Tant de maisons, tant de monde. Il doit y avoir des mauvaises maladies. Ah non, je ne voudrais pas vivre là-dedans, moi. Bah, et pourquoi souris-tu? Et tu te moques de moi. Quelquefois, ils s'enfonçaient dans des chemins creux. Ils arrivaient entre les murs d'un hameau noir. Et toujours quelque crucifix se dressait devant eux, parmi les branches mortes, avec son grand Christ de bois rongé comme un cadavre, grimaçant sa douleur sans fin. Ensuite, le sentier remontait, et de nouveau, il dominait les horizons immenses, il retrouvait la mer. Il racontait les étés pâles et les soleils obliques. Le soleil reste toujours bien bas et ne se couche jamais. À minuit, il traîne un peu son bord dans la mer, mais tout de suite il se relève. Des fois, la lune paraît à l'autre bout du ciel. Alors ils travaillent tous les deux, chacun de son bord, et on ne les reconnaît pas trop l'un de l'autre, dans ce pays d'Islande. Voir le soleil à minuit et les fjords. J'ai souvent vu ce mot inscrit parmi les noms des morts dans la chapelle des naufragés. Ah, les fjords. Imagine des grandes baies, comme celle de Paimpol. Seulement, il y a tout autour des montagnes si hautes, on ne voit jamais où elles finissent. Un triste pays, va, je t'assure. Des pierres. Rien que des pierres. Les gens ne savent pas ce que c'est qu'un arbre. À la mi-août, il est grand temps de repartir. Car les nuits allongent très vite. Le soleil tombe au-dessous de la terre sans pouvoir se relever. Et il fait nuit là-bas pendant tout l'hiver. Il y a dans un fjord un petit cimetière pour ceux du pays de Paimpol qui sont morts. C'est une terre bénite aussi bien qu'à Porzeven. Et les défunts ont des croix avec leur nom écrit dessus. Les deux Guasdiou sont là. Et aussi Guillaume Mohan, le grand-père de Sylvestre. À qui a-t-il, Gaude? Je songe à ses morts sous la glace. Oh, nous autres, on n'y songe pas là-bas. On n'a pas le temps. Mais il faut tout le temps pêcher. Bah, tout le temps. Et puis il y a la manœuvre à faire. Car la mer n'est pas toujours belle par là. Crois-moi. Et on ne s'ennuie jamais. Si on s'ennuie. Oh non, à bord le temps ne me dure pas. Qu'y a-t-il? C'est cruel. Le quai de Paimpol était plein de monde. Les départs d'Islandais avaient commencé et à chaque marée, un groupe nouveau prenait le large. Ce matin-là, 15 bateaux devaient sortir avec la Léopoldine. Et les femmes de ces marins ou les mères étaient toutes présentes pour l'appareillage. Gaude s'étonnait de se trouver mêlée à elle, devenue une femme d'Islandais, elle aussi. Sa destinée venait de se précipiter en quelques jours. Elle était arrivée à ce dénouement-là, qui était inexorable, et qu'il fallait subir à présent, comme faisaient les autres, les habitués. Elle n'avait jamais assisté de près à ces adieux. Tout cela était nouveau et inconnu. Parmi ces femmes, elle n'avait point de pareil et se sentait isolée. Son passé de demoiselle la mettait à part. Il y en a pourtant d'autres qui sont bien touchantes avec leurs yeux pleins de larmes. Il y en a aussi de distraites et de rieuses qui pour le moment n'aiment personne. Des vieilles, menacées par la mort, pleurent en quittant leur fils. Des amants s'embrassent sur les lèvres et on entend des matelots gris chanter tandis que d'autres montent à leur bord d'un air sombre, s'en allant comme à un calvaire. Il se passe ici des choses sauvages. Des malheureux qui ont signé leur engagement par surprise dans un cabaret et qu'on embarque de force. Leurs propres femmes et des gendarmes doivent les pousser. D'autres, dont on redoute la résistance, ont été enivrés par précaution. On les apporte sur des civières et au fond des cales des navires. On les descend comme des morts. C'est épouvantable. Quelle chose terrible est-ce donc que ce métier d'Islande pour inspirer à des hommes de telles frayeurs? Pourtant, il y a des marins qui sourient, qui sans doute aiment comme Yann la vie au large et la grande pêche. Ce sont sans doute les meilleurs. Ceux de la Léopoldine ont l'air convenables et forts. C'est un équipage de choix, tout le monde l'a dit. Les navires sortaient quatre par quatre, traînés dehors par des remorqueurs. Et alors, dès qu'ils s'ébranlaient, les matelots entonnaient le cantique de la Vierge. « Salut, étoile de la mer !» Et sur le quai, des mains de femmes s'agitaient pour de derniers adieux, et des larmes coulaient sur les mousselines des coiffes. Dès que la Léopoldine fut partie, Gaude s'achemina d'un pas rapide vers Porcéven. Elle arriva tout au bout des terres. La Léopoldine devait mouiller là en grande rade et n'appareiller définitivement que le soir. C'était donc là qu'il s'était donné un dernier rendez-vous. En effet, il revint dans la yole de son navire. Il revint pour 3 heures lui faire ses adieux. C'était toujours le beau temps printanier, le ciel tranquille. Ils sortirent un moment sur la route en se donnant le bras. Cela rappelait leur promenade d'hier. Seulement la nuit ne devait plus les réunir. Ils marchaient sans but et bientôt se trouvèrent près de leur maison, ramenés là sans y avoir pensé. Ils entrèrent donc une dernière fois chez eux, où la grand-mère Yvonne fut saisie de les voir reparaître ensemble. Yann fit des recommandations à Gaude pour différentes petites choses qu'il laissait dans leur armoire, surtout pour ses beaux habits de noces, les déplier de temps en temps et les mettre au soleil. À bord des navires de guerre, les matelots apprennent ces soins-là. Gaude souriait de le voir faire son entendu. Il pouvait être bien sûr pourtant que tout ce qui était à lui serait soigné avec amour. Ses préoccupations étaient secondaires. Ils en causaient, pour se donner le change. À bord de la Léopoldine, on a tiré au sort les postes de pêche et j'ai gagné un des meilleurs. Je ne sais pas ce que tu racontes. Et avant de partir, nous jouons nos places au dés, ou bien avec des numéros brassés dans le bonnet du mousse. Chacun gagne la sienne. Et après, on n'a plus le droit de planter sa ligne ailleurs. Eh bien, mon poste à moi se trouve sur l'arrière du bateau, c'est-à-dire à l'endroit où on prend le plus de poissons. Ils se parlaient bas, par crainte d'effaroucher les instants qui leur restaient, de faire fuir le temps plus vite. Leur causerie avait le caractère à part de tout ce qui va inexorablement finir. Les plus insignifiantes petites choses qu'ils se disaient semblaient devenir ce jour-là mystérieuses et suprême. À la dernière minute du départ, ils se serrèrent l'un contre l'autre sans plus rien se dire. C'est fini. Ils s'embarquent. Les voiles grises se déploient. Je le vois. Là. Encore. C'est lui qui agite son bonnet. Cette petite silhouette qui s'éloigne sur la mer. C'est mon grand Yann. C'est mon amour. C'est mon immense amour. Cette petite forme humaine, noire sur le bleu des eaux, et déjà vague, perdue, dans ce lointain où les yeux finissent par ne plus rien voir. À mesure que s'en allait cette Léopoldine, Gaude, comme attiré par un aimant, suivait à pied le long des falaises. Il lui fallut s'arrêter bientôt parce que la terre était finie. Alors elle s'assit au pied d'une dernière grande croix qui est là plantée parmi les ajoncs et les pierres. La mer, vue de loin, semblait avoir des lointains qui montaient. Et on eût dit que cette Léopoldine, en s'éloignant, s'élevait peu à peu sur les pentes de ce cercle immense. Gaude regardait toujours, cherchant à bien fixer dans sa mémoire la physionomie de ce navire, sa silhouette de voilure et de carène, afin de le reconnaître de loin quand elle reviendrait à cette même place l'attendre. Des levées énormes de houle continuaient d'arriver de l'ouest, l'une après l'autre, sans trêve, renouvelant leur effort inutile, se brisant sur les mêmes rochers, déferlant aux mêmes places pour inonder les mêmes grèves. Et à la longue, c'était étrange, cette agitation sourde des eaux, avec cette sérénité de l'air et du ciel. C'était comme si le lit des mers, trop rempli, voulait déborder et envahir les plages. Cependant, la Léopoldine se faisait de plus en plus diminuée, lointaine, perdue. Devenue une petite tache grise, presque un point, elle allait bientôt atteindre l'extrême bord du cercle des choses visibles et entrer dans ces au-delà infinis où l'obscurité commençait à venir. C'était « Pêcheur d'Islande » de Pierre Loti, dans une adaptation de Hervé Prudhon. Avec Jean-Pierre Moreux, le narrateur, Marie-Christine Le Thor, la narratrice, Florence Lecor, Gaude, Nicolas Struve, Yann, et les voix de Linda Devano, Fabien Lucciarini. Musique, Arvo Part. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage, mixage, Claire Levasseur, Nadège Antonini. Réalisation, Annabelle Brouard, Étienne Vallès.